bouche pour le lapin, la dit à Swan et à Festin. Un manière ou un autre, mais ça fait un vite à moi. Ça, c'est l'ambiance créole, et l'ambiance soudaine. L'amour dans le cœur, de notre cigare, nous les pierres. L'ambiance créole, toi, bon à salaire. Notre cœur, nous pas faire, sans oublier le bon cerf. Ça, samedi matin, écoutez la case, n'a une petite femme qui appelle Marizane. Ce nom à fond pour lui fait travail, il pense même pas à son voisin. À moi, l'ambiance créole, toi porte un salaire.